mais il est quand même, du côté d'une barrière simpliste, considéré comme étant de l'autre côté. C'est tout simplement ça. Autre question ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Des remarques ? Une remarque ? Lucie ? Oui. Enfin, on m'a dit que j'avais quelque chose à dire, donc j'y pense. Peut-être pour répondre à une question de Maroussia ou au sujet de la réception, et je parle évidemment du contexte québécois. Je pense qu'il faut séparer un peu tout ça. Il y a deux ans, on a fait une enquête sur l'enseignement de la littérature au niveau collégial. Et cette enquête a révélé que les profs au niveau collégial, et je ne veux pas dire tous, mais de façon générale, avaient tendance à enseigner les valeurs sûres. Et les valeurs sûres sont souvent... Donc, les écrivains considérés comme les grands écrivains qui sont enseignés à l'université. Et je pense qu'à ce niveau-là, ceux qui enseignent au niveau universitaire, et ça joue sûrement pour... ça a joué longtemps pour les femmes, c'est moins le cas. Ça joue pour les écrivains hommes ou femmes, les écrivains migrants, mais ça joue aussi pour tous les écrivains qui écrivent hors courant. Par exemple, dans les années 60, il y a de nombreux écrivains qui sont passés sous silence parce qu'ils n'étaient pas nationalistes. Et on en redécouvre quelques-uns. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, au niveau de la... parce qu'on est quand même une petite société, et il y a beaucoup, beaucoup d'écrivains dont on n'entend jamais parler, dont on critique rarement les œuvres, qu'ils soient ou non femmes, qu'ils soient ou non migrants. Et par contre, on aura toujours une critique du dernier livre de Marie-Claire Blais ou de Nicole Brossard, ou, etc. Mm. Donc, à ce niveau-là, des colloques comme celui-ci jouent au niveau, je pense, de la réception, pas de la même façon que la réception écrite, mais jouent énormément pour faire circuler les noms. Et je pense que pour ça, il y a beaucoup de travail à faire pour qu'on cesse de ne parler que des valeurs sûres. Je suis tout à fait d'accord là, parce que je vois à l'université McMaster, par exemple, à chaque retour de colloque, on enseigne un tout petit peu plus les autres écritures. Ça suscite des thèses de maîtrise. Je voudrais saluer Suzanne Crosta qui enseigne ces littératures francophones. Et je vois vraiment une grande valeur à ces colloques dans ce sens-là. Et je pense qu'un autre aspect que Régine a dit, Armel aussi, il y a une jeune auteure d'ailleurs qui utilise la métaphore de la migration pour parler de la position culturelle de son personnage. Et c'est Ying Chen dans Lettres chinoises qui vient de paraître. Et le personnage, qui est un homme, je pense qu'il s'appelle Yan, j'arrive mal à prononcer, c'est Yuan, et il explique à sa copine qui est restée en Chine ce que c'est pour lui que sa position dans la culture québécoise et par rapport à la culture chinoise. Et la métaphore qui est utilisée, c'est celle de l'oiseau migrateur. Alors, et il y a cette idée donc du va-et-vient, du retour, de l'arrêt quelque part entre les deux pays. Et le fait d'être là ne l'oblige pas d'oublier le pays d'origine, et le fait d'être ici ou là, enfin, il porte nécessairement non seulement le lieu de départ et le lieu où il habite, mais tous les lieux où il a pu s'arrêter entre, plus ou moins longtemps. Et c'est cet ensemble de lieux qui forme ce qu'il est au moment où il en parle. Et c'est à prendre dans un sens métaphorique et non pas dans un sens où, sociologique, par exemple. Alors, Voilà. C'est juste une interrogation concernant l'hétérogénéité ainsi que la cassure dont vient de parler madame. Je me demande si la cassure dont on a parlé à propos de l'écriture migrante n'est pas aussi une cassure qui se produit aussi dans d'autres types d'écriture, celle établie d'abord quand on commence à écrire, j'allais dire on casse quelque chose en soi par rapport aux autres. Et on se définit par rapport à cette limite, à cette frontière qui existe entre soi et les autres. Et je me demande s'il faut vraiment insister sur la distance spécifique, qu'on a essayé de rendre spécifique à l'écriture migrante. Et je me demande si ce n'est pas vraiment quelque chose qui appartient à l'écriture tout simplement. Je crois qu'on est tout à fait d'accord et on l'a dit à plusieurs reprises dans le colloque. Simplement, la migration crée une espèce de position, de situation exemplaire de la chose dans sa concrétude. Mais elle n'est pas spécifique. Enfin, je pense fondamentalement que toute position d'écriture est une position de décentrement, disons ce mot-là, qui est plus général, qui entraîne en tous les cas une migration du hors de soi. Du hors de l'origine, du hors de l'évidence, et que donc, effectivement, toute position d'écriture est celle-là. Et de ce point de vue-là, il n'y a rien de spécifique. Ce qui va être spécifique, c'est... Là, on peut quand même voir où se logent les spécificités. Ça s'est assez bien dégagé de ce colloque. D'abord dans les thématiques et dans un certain travail d'intertextualité de l'écriture. Là encore, rien de spécifique, toute écriture travaille dans l'intertextualité. Mais le retravail d'un certain nombre de mythes qui sont parodiés, déplacés, réécrits autrement, traversant les deux cultures, puisqu'on a souvent parlé de biculture, ça peut être plus, mais ça a souvent été le cas, on voit bien comment la position de migration va être un point d'appui pour faire travailler des intertextes de telle ou telle façon par des réécritures qui vont mettre en jeu quelque chose des deux cultures. Mais ça peut être spécifique, mais certainement pas le travail d'intertextualité en général. Donc à chaque fois on touche, quand on a affaire à l'écriture soit dite migrante, soit des femmes migrantes, qui était le vrai titre du colloque, à quelque chose qui inscrit des spécificités, mais en même temps qu'il inscrit des spécificités, ne présente qu'un cas particulier de toute écriture. Et je crois que c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut... Je crois que ça s'est bien dégagé du colloque. Il n'y a pas une écriture qui serait une écriture migrante ou une écriture des femmes migrantes. Il y a de l'écriture, point. Maintenant, quand on a affaire à cette écriture, point, qui se trouve à être celle de femmes migrantes, on peut commencer à voir ce qui se passe dedans. Mais je crois qu'il faut poser des problèmes comme ça et non pas postuler qu'il y a une écriture migrante qui aurait ses lois, ses règles, etc. C'est de l'écriture. Et je crois que d'ailleurs c'est important de le souligner parce qu'il y a une ghettoisation possible de l'écriture migrante, comme il y a eu une ghettoisation possible de l'écriture féminine. Et que d'imposer que c'est de l'écriture, ça n'est déjà pas rien. Et de faire le travail inverse. C'est-à-dire, on a eu tendance à dire, il y a de l'écriture féminine, il y a de l'écriture migrante, et puis on va prouver que c'est de l'écriture. Je crois qu'il veut dire, prouvons que c'est de l'écriture, après on discutera des spécificités qu'opère la migration dans l'écriture. Je ne sais pas si on est d'accord là-dessus. Du reste, la migration a pris nettement plusieurs sens pendant le colloque, oui. Puisqu'on avait parlé d'être étranger à soi-même. Il y avait la communication sur la folie d'Eleonora Carrington. Donc, il y a différentes formes de migration par rapport à soi-même, par rapport à la norme, à la raison, etc. Donc, je pense que ça a été bien souligné dans le choix des communications au colloque. Fait. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un dernier commentaire, une dernière question? Alors, il me reste le mot de la fin. Je l'ai souvent dit à mes collègues et amis dans le privé, les profs d'université sont tous un peu mazous, tous un peu fous, cherchent le travail. Tout à l'heure, dans le couloir, est né le projet d'un autre colloque que je n'organiserai pas, Maïr non plus. Mais on a une collègue qui se sent désignée derrière là, qui y pense. On a même un titre pour ce colloque que quelqu'un d'autre va organiser. L'écriture actuelle des femmes dans la francophonie. Alors, l'idée est lancée. Il faut le faire, pas tout de suite, dans 3 ou 4 ans. Ailleurs, d'autres personnes vont le faire. Mais c'est là. Alors, j'espère que vous suivrez les petites annonces dans les universités, dans les journaux universitaires, pour qu'on se retrouve dans 3 ou 4 ans avec un titre plus large, mais qui veut dire sans doute la même chose. Et donc, où on parlera d'écriture actuelle au féminin. Et je pense que ça sera un bon sujet. Il ne me reste qu'à vous remercier tous et toutes d'être venus, et particulièrement, enfin, tous les jours de la semaine, mais aujourd'hui, dimanche après-midi, on le sait, nous avons tous le désir d'être à la maison, au moins, à ne rien faire, ou à se promener, ou avec nos mères, ou à être gâtés si on est mère, en espérant qu'on sera gâtés. On a le désir de relaxer, c'est le temps de prendre un pot. Hier, personnellement, je me suis abstenue. Peut-être que ce soir, je boirai un peu un verre. Bon, enfin, je verrai. Mais je pense que c'est méritoire d'être là un dimanche après-midi, le jour de la fête des mères, et à cause des autres anniversaires aussi que Maïr a rappelé au début. Donc, je vous remercie tous et toutes d'être là, et je veux remercier particulièrement Madame Asia Djebar, qui a été extrêmement généreuse avec nous aujourd'hui dans tous ses commentaires, et remercier également Régine Maroussia et Naïm qui devaient partir. Alors, merci à tous et toutes, et n'oubliez pas, là, je reviens à la cuisine, que nous allons publier les actes du colloque. Donc, si vous ne nous avez pas remis votre texte, on s'attend à le recevoir. Je ne veux pas écrire. Je ne veux pas relancer. Alors, laissez votre texte, votre disquette, sur disquette, ça, absolument, et ou envoyez-nous-le très bientôt afin qu'on puisse se mettre à travailler à la publication des actes. Merci. Oui. Je m'excuse, mais j'ai bien envie, depuis des mois, de pleurer, et de pleurer sur le drame, et pas seulement de mon pays. Alors effectivement, ce texte est peut-être une première version au roman que j'écris, qui se termine, qui n'est pas sur l'actualité, qui est sur l'Algérie, mais pas sur ces jours et ces mois derniers où j'ai perdu certains de mes très proches, assassinés, quelquefois tués horriblement, je pense à Bourhobza. Et je voudrais dire simplement que ce texte est une première version du roman dans lequel je me trouve et dont je n'arrive pas à sortir, et qui se termine sur une conclusion qui s'appelle tout simplement « Le sang de l'écriture ». Car au fond, c'est cela, comment peut-on écrire quand les gens sont en train de mourir et de mourir justement dans la violence. Merci. Je pense que nous allons peut-être rester peut-être une minute ensemble et ensuite on va procéder au si vous voulez bien. C'est très dur, je pense, de passer du texte. C'est la même chose. Mais nous avons. Alors, si est-ce que je peux te donner la À quel point je trouve, à quel point je trouve difficile maintenant, comme jamais, de parler après Assia, alors que c'est le silence qui me conviendrait le mieux. Je tremble. Néanmoins, c'est la fin du colloque maintenant. Le temps, le moment du bilan, c'est-à-dire par chez nous ce qu'on appelle la fête de la moisson. Je voudrais vous dire que je ne suis pas spécialiste d'écriture de femmes migrantes, mais j'espère le devenir bientôt avec tout ce que j'ai appris. J'ai écrit ces 3 pages ce matin, donc c'est à moitié improvisé, en tenant compte de tout ce qui avait été dit pendant ce colloque. D'abord, je vais vous présenter 2 des 3 participants de la table ronde, puisque Fatima Ouda Pépin n'a pas pu nous rejoindre. Sa petite fille est à l'hôpital, donc elle s'excuse de ne pas pouvoir venir parmi nous. Je vais quand même vous lire sa petite biographie pour vous la faire connaître en son absence. Elle a fait sa scolarité de doctorat en sciences politiques à l'Université de Montréal. Elle est consultante en éducation interculturelle, auteure de publications et articles sur l'intégration des femmes migrantes à la société québécoise. C'est une personne ressource et conférencière sollicitée par les institutions publiques et parapubliques sur les questions reliées aux droits des minorités et la promotion de la femme. Elle est membre et ou fondatrice de plusieurs comités et tables de concertation sur les relations interculturelles, interraciales et interconfessionnelles. Est-ce qu'il est nécessaire que je lise en anglais? Qui a besoin? Non? Bon. Quant à Naïm Kattan, les 2 autres noms vous sont très familiers. D'abord, Naïm Kattan, que vous connaissez, ancien directeur du Conseil des arts du Canada. Il a fait ses études à Bagdad et à Paris avant d'immigrer au Canada en 1954. Il était correspondant de revues littéraires en Europe et en Amérique, critique pour Le Devoir, a travaillé à la commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, a enseigné à l'Université Laval. Maintenant, il enseigne à l'UQAM, qu'il aime beaucoup du reste. Il est auteur de plusieurs romans, dont Farida, paru en 1991, et Adieu Babylone, paru en 1975. Ensuite, et enfin, Régine Robin, que vous connaissez bien aussi, auteure québécoise née en France, historienne de formation, détentrice de 2 doctorats de France. Elle enseigne au département de sociologie de l'UQAM. Son œuvre et ses recherches touchent la quête d'identité dans un monde éclaté. Elle a publié plusieurs essais et romans, dont Le réalisme socialiste, une esthétique impossible, en 1986, un roman, La Québécoite, 1983, une grande étude critique, Kafka, 1989. Elle est la directrice du Centre interuniversitaire d'analyse du discours et de sociocritique des textes. Et je voudrais attirer votre attention sur le dernier point. Elle vient d'obtenir le prix Jacques, et non pas Jean-Jacques, mais elle dit Jacques Rousseau de l'ACFAS pour son travail sur l'interdisciplinarité pour son œuvre. Alors j'aimerais qu'on applaudisse nos participants. Puisque c'est la fin du colloque, je voudrais continuer avec les remerciements. Qu'il me soit permis maintenant de remercier les organisatrices du colloque, Lucie Lequin et Maïr Vertuis, pour ce colloque si pertinent, si varié, si riche, émouvant et bien organisé. Des communications toujours ponctuelles et fort intéressantes. Et en passant, je rends hommage à toutes mes jeunes collègues qui m'ont tellement intéressée. J'ai beaucoup aimé aussi qu'il n'y ait pas de séance parallèle, je disais, qu'on n'ait pas à courir d'une séance à une autre. On a pu profiter pleinement de la présence de tout le monde, de tout ce que vous aviez à dire. Je voudrais aussi remercier l'équipe étudiante qui nous a si bien accueillis, discrètement. On ne perdait pas son chemin, on prenait pas le mauvais, on n'entrait pas dans la mauvaise salle. Et je voudrais donc remercier Angélique Bernard, Jean-François Boivin, Nadine Bourbonnière, Latifa El-Chandouri, Dany Labaume, Christiane Savard, Colette Zepji et Véronique Vertuis, qui toutes et tous étaient toujours discrètement présents et serviables. Donc j'aimerais qu'on applaudisse aussi les organisatrices pour ce merveilleux travail et ce très intéressant colloque. Ce colloque est d'une grande pertinence. Au moment où l'on affirme les ethnies et où on les massacre, où on affirme de nouvelles frontières et des projets nationaux, il était important de les contester en inscrivant les paroles hybrides, multiples et croisées des femmes migrantes dans la production littéraire française ou québécoise, de créer et de légitimer un espace de création et de diffusion. Je viens de quitter un colloque à McMaster sur les nationalismes où Bogdan Denich de New York a lancé l'idée, que la nation, ça n'existe pas, c'est une construction politique créée par des politiciens destinés à être exploités par eux. Où Diane Lamoureux a essayé de son côté de redéfinir l'État et la citoyenneté québécoise dans les couleurs multiples de sa Catalogne humaine. Colloque varié, où se sont côtoyés pendant 3 jours auteurs et critiques, originellement ou qui sont encore d'Haïti, d'Italie, de France, du Liban, d'Égypte, des beurs de France, femmes du Maghreb ou anciennement du Maghreb, en particulier d'Algérie, des femmes d'Espagne, des musulmanes, des chrétiennes, des juifs, des athées. Et évidemment, nous avons tellement appris que maintenant nous allons courir vers les librairies et faire le plein de livres, ce que j'ai déjà fait. Colloque varié dans ses approches critiques, psychanalyse, approche derridienne, christévienne, bakhtinienne, même linguistique. Colloque sous le signe du multiple, où le terme même de migrante s'est vu éclaté, diffracté. Dans ses causes économiques, politiques, choix professionnels ou amoureux, recherche identitaire, contestation, rejet des contraintes et des limites imposées par un pays d'origine. Diffraction du concept même, hybridité culturelle et langagière, sortir de soi pour mieux se voir de l'extérieur, se mettre de l'autre côté de la fenêtre pour mieux se regarder. L'Inde de Duras, par exemple. Étrangeté à soi-même, de Kristeva. Folie, de Leonora Carrington. Odyssée au féminin, de Monique Bosco. Ce que l'écriture migrante, on a dit aussi, ce que l'écriture migrante n'était pas, au moins en filigrane, une écriture ethnique, une écriture nationale, monologique. L'écriture migrante est une écriture aux frontières abolies, une écriture au moins hybride, dialogique, tressant au moins 2 cultures, une française ou québécoise, 2 langages, le français et la mémoire, la mémoire traduction d'une langue autre ou d'un français parlé autrement. Comme d'autres, j'ai été frappée par ce que Enoch Podolsky a appelé les commonalities, les points de convergence de vos communications. L'écriture migrante, c'est l'écriture tout court, a-t-on dit. J'avais ailleurs, elle était appelée l'écriture au féminin ou l'écriture de la transgression. Trace du maternel. Autre point commun, tout le monde a parlé de mouvance et de rapport mère-fille. Je rappelle que que c'est la fête des mères, mais ça, Marie l'a fait, qui sont au centre de vos textes. Écriture comme migrante. Migrante devenue alors superflue, pléonasme, comme disait Armel Chitrit, Régine Robin et moi qui avais inscrit ça dans la marge dès le début. La gamme de mouvance était impressionnante. Gavotte de Maïr Bertuis. Sujet flottant de Karina Kailo, qui parle aussi d'espace ludique de Winnicott, de celle qui reporte à jamais son entrée ou son adhésion au, son entrée dans le tétique de la maison du père, comme l'ont fait Catherine Mavrikakis et Olga Duhamel. Errance et variance territoriale, dont parlait Lucie Lequin. Fuite et passage, dont parlait Pierre Leroux. Différence, Claudine Potvin. Et je retrouve une phrase que je rappelle de Régine, entre la crispation identitaire et le disparate postmoderne. Arabesque textuelle, partage, passage, comme disait Mireille Kai-Gruber. Décalage de l'iconotexte. L'iconotexte pour Carmen Bustani. Écriture qui inscrit la mémoire cicatrice du maternel, de la langue maternelle au maternel de la langue, comme dirait Maïr. Le deuil de l'origine dont a parlé Régine. Le retour à l'enfance dont a parlé Lucie. Infinie séparation, cordon ombilical qui s'exhibe, dont parlait Olga et c'est Catherine, je crois, Mavrikakis. Ventre chaud du désert, dont a parlé José Vitello. Parole orpheline, dont a parlé Carmel Fernandez. Irrémédiablement hors du maternel, mais refusant l'entrée dans la maison du père, elle occupe un troisième espace interstitiel, l'espace du seuil, l'espace ludique, tétique, celui de la fille, qui transforme le pays d'origine en ventre de la mère, et le pays d'accueil en lieu d'écriture, comme disait Christelle Verduin. Qui déchire la scène oedipienne pour y inscrire la fille, comme dirait Catherine Mavrikakis et Olga Duhamel. Écriture au bord de la folie pour ne pas devenir folle. Pour inscrire un sujet composé, selon Mireille Kai-Gruber, une écriture pour inscrire un sujet par l'écriture et dans l'histoire. Pour se dire qu'on existe ou le crier aux autres, contre les murs du silence. Écriture du multiple, croisement, métissage, multivoix, hétérogène, mots épars, pillés. Parler de Babel, mémoire tatouée, dont parlait Naïma Penaroui-Smir. À cela, j'ajouterai une courte remarque personnelle destinée à faire une synthèse, une image synthèse, pour ensuite revenir aux différences dans le débat. Au fur et à mesure que vous parliez, se dessinait pour moi la silhouette claudiquante d'Angelina Desmarais, du survenant de Germaine Guévremont, qui, derrière sa fenêtre, sortant pour prendre par la main sa sœur Aurora, Aurore de Une femme à la fenêtre de Bianca Zagolin, pour faire des promenades fabuleuses avec elle. Angelina la boiteuse vacille et va et vient entre deux espaces. Elle est l'orpheline de mère qui refuse l'entrée dans la maison des maris et de leur père, qui se laisse bercer par la musique des mots qu'elle ne comprend pas dans ses livres pieux, qui s'ouvre aux désirs et aux autres, les gitans que lui fait connaître le survenant, qui boite, mais qui n'arrête pas de courir. Notre première Québé boite. Aussi, elle me rappelle l'hystérique Dora aux pieds tordus, Bertha Pappenheim, la traductrice hystérique, qui toutes deux ont refusé de marcher droit avec Freud, leur père, et tous les autres pères. Je vous rappelle que ni Angelina ni Aurore ne furent heureuses et n'eurent beaucoup d'enfants avec le survenant ou Sébastien. Si nous avons parlé de l'écriture comme migrante, au point d'éliminer le mot migrante, nous avons moins parlé de l'écriture des femmes migrantes, et de son ancrage socio-politico-culturel, de sa production, de sa diffusion, de sa réception et de sa fonction dans la société. Dans notre recherche de dénominateurs communs, nous avons estompé ces différences, estomper aussi leur ancrage en France et au Québec, leur réalité de femme. Marcel Marigny a certes parlé des femmes qui n'ont, je cite, qui n'ont pas de culture propre à laquelle s'adosser, ne sont pas propriétaires de la production culturelle, ne sont pas impliquées dans l'échange entre d'eux-mêmes qui oscillent le plus souvent entre la fraternité et la terreur. Fin de citation. Je parle d'ancrage féminin, non pas au sens essentialiste, le féminin universaliste, mais d'un discours social informé par ce paramètre. Et Michel Glénaud a aussi ancré la production littéraire haïtienne dans un contexte économico-sociopolitique en parlant des difficultés d'appartenance à une communauté interprétative et de l'autocensure qu'elle pouvait susciter. Susan Ireland a ancré la quête identitaire en citant une écrivaine beurre. C'est en France que j'ai appris à être arabe. Donc, allons dans le sens de la restitution des différences et de l'ancrage contextuel. J'ai préparé plusieurs questions auxquelles je vous invite à répondre et à aussi proposer votre vos propres questions, vos propres commentaires. Mais ça, et aussi, j'invite tout le monde à répondre aux questions ou à celles que vous choisirez ou à d'autres. C'est ce qui m'est venu à l'idée après ce colloque, comme débat possible. Comment, d'abord, je vous demanderai comment vous avez vécu votre expérience de migrant ou de migrante par l'écriture. Contre quel statisme s'inscrit la parole migrante, l'écriture migrante? Comment se traduit la recherche, la crise ou l'enrichissement identitaire? Comment vivez-vous l'appartenance à deux ou plusieurs langues, langages? Quelles sont les conditions de production de cette écriture, accès à la publication, diffusion? Pour qui écrivent les migrantes? Quelles en sont les conséquences? Par exemple, Michel Glénaud parlait de l'autocensure des haïtiennes. Quelles sont les différentes formes d'étrangeté, même si l'on vient du même pays? Et je pense à Assia Djebar, Hélène Sixous et Marie Cardinal qui viennent du même pays, mais vivent leur migrance de différentes façons ou l'expriment. Comment le facteur femme structure-t-il et infléchit-il l'expérience d'écriture migrante, directement ou indirectement? Est-ce que la migration peut être vécue comme une libération ou un exil? Quelle est la place et la fonction de l'écriture migrante dans l'institution littéraire en France ou au Québec? Quelle est la place et la fonction politique de l'écriture migrante dans ces pays? Je pense à Diane Lamoureux ou au travail de Cherise Simon. Quelle est la place et la fonction auprès des lectrices et des lecteurs françaises et québécois de souche, s'il y en a, du pays? Quelle est la place et la fonction auprès des gens du pays d'origine et de la communauté interprétative? Quel est l'avenir de l'écriture migrante et de ce colloque, et quels sont vos souhaits? Alors, je voudrais d'abord demander à Naïm Khatan de nous présenter ses réponses, ses commentaires, parce qu'il doit prendre un avion bientôt. Non, enfin, j'ai le temps là maintenant qu'on a commencé à temps. D'abord, je vous remercie tous de m'avoir invité. Je dois dire que ça représente pour moi un rêve. Quand j'étais enfant et adolescent à Bagdad et que je devais reconnaître ma mère et mes sœurs par leurs chaussures parce qu'elles marchaient voilées dans la rue, je rêvais toujours d'être un homme en présence de beaucoup de femmes et de pouvoir les regarder à visage découvert et que ces femmes-là, en grande partie orientales, puissent me parler et me parler directement et me dire aussi qu'elle souhaite parler et qu'elle souhaite parler aussi à des hommes et qu'elle souhaite parler d'elle-même. Alors donc, pour moi, c'est une réponse à un très vieux rêve que j'ai exprimé aussi dans mes écrits de migrant, mais un migrant homme. Je vais p- peut-être pas répondre d'une manière systématique à vos questions, mais j'ai pris moi-même aussi des notes et je vais parler de ce que j'ai retenu de ce colloque. Je dois d'abord remercier Maire Vertuis qui m'a invité, qui était et Lucie Lequin et tous les autres qui ont organisé d'une manière magistrale cette rencontre. Et j'ai toujours trouvé que quand on parle librement, homme ou femme, c'est ce qui nous est donné de plus précieux. Et c'est pour ça que les paroles d'Assia Djebbar tout à l'heure, qui étaient des paroles de liberté, mais qui étaient un appel incroyable à la liberté, sont encore plus émouvants parce qu'on voit où est l'arrière-plan, où est le fond d'où surgissent ces paroles. Et toute parole de liberté surgit d'un appel à la liberté. Moi j'ai remarqué, enfin j'ai tiré trois ou quatre thèmes de ce colloque. D'abord c'était sur les femmes, ensuite sur la migration, et finalement dans l'écriture, et tout marchait ensemble, et il y avait évidemment des rapports entre migration, femmes et écriture. Que les femmes se sentent différentes, oui certes, et ça on le sait par l'écriture, et cette écriture-là enrichit par la différence, par la différence, l'écriture commune, qui est l'écriture de tout le monde. Et cette écriture-là fait que, et ça c'est ce qu'on souhaite, que la différence ne soit pas une séparation, mais un échange, une main tendue, mais aussi une prise de parole qui appelle d'abord peut-être ce qu'on a dit, ce dont on a parlé hier, de dialogue, mais ensuite une conversation, c'est-à-dire un échange libre et sans programme de parole. Mais pour que cette différence s'affirme, il faut évidemment, et ça on en a beaucoup parlé, et c'est une présence parmi nous depuis longtemps et encore aujourd'hui dans beaucoup de parties du monde, c'est le sentiment de domination. Se sentir dominé enlève à cette parole sa liberté, enlève cette parole sa grandeur et sa dignité. Et c'est pour ça que l'un des premiers axes de cette parole, c'est de sortir de cette domination. Et c'est par la parole aussi que, puisqu'on parle d'écrivain, que l'écriture nous libère de la domination. Il y a ensuite un autre point qui m'a beaucoup frappé et que j'ai éprouvé moi-même dans ma propre vie, c'est la pesanteur persistante de la tradition. Des années après notre départ, nos migrations, nos retours, il y a toujours le sentiment que la tradition nous poursuit, et il serait peut-être malheureux que l'on se libère entièrement de la tradition. Cette tradition peut être une richesse, une force, si on sait l'intégrer à une vie actuelle, à une vie d'échange et de dialogue. On a parlé aussi des femmes étrangères à elles-mêmes, et je dois dire, étant de l'autre côté de la barrière, et c'est pas, j'espère que ça ne sera jamais une barrière, pour moi en tout cas, ça ne l'a jamais été, quand les femmes se disent étrangères à elles-mêmes, elles me mettent moi-même dans une étrangeté. Je me sens moi-même étranger. Quand quelqu'un devant moi dit qu'il est étranger, ça me ramène moi-même, ça me réduit, je dois dire, c'est une réduction pour moi-même à l'étrangeté. Et moi, j'ai toujours voulu ne pas être réduit à l'étrangeté. Et je racontais une anecdote. Quand je suis arrivé au Canada il y a presque exactement 40 ans, j'avais un nom qui n'était pas très courant. Je dois dire que l'une des conférencières porte, Naïma, porte mon nom au féminin, et je suis très heureux que mon nom n'est pas entièrement étranger, même dans cette salle. Tout le monde me disait, mais comment, d'où ça vient, où est-ce que, d'où vient ce nom? Peut-être avec les premières jeunes filles avec lesquelles je sortais, il vaut mieux peut-être le changer. Appelez-vous Normand ou Nelson, comme ça vous passez inaperçu. Je me suis rendu compte que pendant 40 ans, on me posait toujours la question, d'où venez-vous? Chaque fois que je dis mon nom, il suffit que je dise mon nom pour qu'on me dise d'où je viens. Bon, je dois toujours venir d'un pays que j'ai quitté il y a près de 50 ans, mais je porte en moi, on porte toujours en soi le pays dont on vient, mais je dois toujours dire, décliner mon lieu d'origine. Mais c'est le lieu d'origine, comme a dit un jour Saul Bellow, est un lieu important, mais ce n'est pas une prison, c'est un point de départ. Il a dit, ne vous laissez pas emprisonner par votre lieu de naissance. Il faut le dire, il faut l'affirmer, mais quand on est parti, on part et on est toujours, on peut retourner, mais c'est cela que je vais revenir. Donc, j'ai gardé mon nom et j'ai toujours dû raconter l'histoire de ma vie. Heureusement que maintenant, quand on me demande depuis combien de temps vous êtes au Canada, je dis avant votre naissance. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont nés après mon arrivée. Mais c'est très important, à mon avis, et ça, tous ceux qui viennent de l'Orient et qui ont des origines sémitiques, arabes, juives ou n'importe,